Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on déballe les CD, on voit ce qui est bon, ce qui est moins bon. Du côté francophone, cette semaine, un petit avant-goût, on va avoir Victoria Abril et aussi Tina Arena, Mark Skull, Deux Pouilles en Cavale, ainsi que Casino de Armand Méliès. Mais avant ça, on commence avec un remix de la formation Le Nom. Voici leur remix numéro uno dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. D'écoute. sans se faire mal. C'est un monde qui tombe comme les bombes tombent. Un monde couvert de neige. Le nouvel ordre mondial, c'est pleurer sans avoir mal. C'est un monde qui tombe comme les bombes tombent. Un monde couvert de sang. Formation Le Nom avec deux remixes de leur pièce Le Nouvel Ordre Mondial ici dans le poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Donc, Le Nom, après avoir lancé l'album Fais-le toi-même de façon totalement indépendante et en avoir écoulé des centaines de copies, Fusion 3 prend le relais et rend l'album disponible dans tous les bons disquaires de la province. Afin de souligner de façon festive, le groupe indie rock francophone offre aussi un vidéoclip appuyant la pièce Le Nouvel Ordre Mondial. Ce petit bijou d'animation a été réalisé par Alexandra Miotte, l'artiste derrière les magnifiques séquences animées des clips de Carquois. Ce vidéo d'animation permettra de plonger plus à fond dans l'univers esthétique du groupe. Les ondes radio ne seront pas en reste. Le Nom fera également paraître un remix de la pièce Le Nouvel Ordre Mondial, effectué par Thomas Bailey, compositeur électro ayant notamment collaboré avec Nuclear Ramjet. Le Nom, c'est un groupe de rock francophone qui sort ses tripes, le cœur au poing et en fait à sa tête. Le Nom, c'est du rock qui dérange, qui séduit et qui fait suer. Alors que Le Nom entame la pré-production d'un prochain album, le groupe continue à se produire en spectacle. D'ailleurs, Le Nom prépare une tournée des cégeps pour l'année scolaire 2008-2009. Si vous voulez plus d'informations sur Le Nom, allez voir lenomrocks.com ou encore myspace.com/lenom. On passe à l'anglophone maintenant pour l'entendre, une formation qui a l'air assez intéressante par sa pochette, au moins avec des gens animés avec de drôles de nez et de drôles de couleurs. La formation s'appelle Little Bang Theory, ou la théorie du petit bang. Voici leur album Elementary et la pièce Daydream dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. Thank you. musique de Lil Bang Theory, la pièce Toy Suite No. 3, précédée de Daydream, ça vient de leur nouvel album Elementary. Surprenant assez, hein, comme style musical. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Donc, Lil Bang Theory, pas beaucoup d'informations sur eux sur Internet. Acid Sox Radio et puis leur compagnie qui s'appelle Fanatic Records sont pas très, très forts côté communiqué de presse ou MySpace ou site web. Ce que j'ai vu, par contre, c'est du Toy Pop. Hein? C'est ce qu'ils disent sur le site de Acid Sox Radio. Allez voir le lien sur le www.unechance.com. C'est le site où vous trouverez tous les liens de tous les artistes écoutés dans le poste d'écoute. www.unechance.com. Encore une fois, l'album s'appelle Elementary et la formation, c'est Lil Bang Theory. Prochain album, on retourne aux francophones pour aller découvrir Victoria Abril. Son nouvel album s'appelle Oh là là! Point d'exclamation. Et tout de suite, voici Elsa, la seule émission qui découvre toutes les nouveautés musicales reçues à ses fous pendant la semaine. C'est le poste d'écoute. Se fuit-il donc que tu paraisses de l'air qui déferre attachant tes cheveux? C'est juste touchant que je renaisse, reconnaisse un monde habité par les champs. Elsa, mon amour, ma jeunesse. Oh, forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi les vents se jouent. Toujours si je te vois, je tremble comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, dîner à la cime des bois, la voix frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence les jours où je t'ai rencontré. Toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule en semence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. C'est juste touchant que je renaisse, reconnaisse un monde habité par le chant. Elsa, mon amour, ma jeunesse. Le poste d'écoute. Impossible de les garder à moi toujours, toujours, moi qui n'avais que des baisers pour richesse. Mais des baisers pour toi, c'est pas beaucoup. Et ma tendresse ne rien auprès de l'argent, des bijoux. C'est mon gigolo, charmant gigolo, avec des yeux pleins de flammes. Ne me dis, je n'en sais rien, mais il me prend si bien qu'à lui je suis cause et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir que pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. Ma boule, joliment. T'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous, joliment. T'as le rimmel qui fout le camp, celle des gels des amants, joliment. Ta prairie, ça sent bon, fais son don aux amis, joliment. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et dit tout. T'es qu'une rose éclatée que l'on me pose à côté, joliment. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vent qu'on éteint comme une lampe au matin, joliment. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joliment. Tes petits seins ont des jours à la coque, à l'amour, joliment. Ta barrière des froufrous, faut se la faire, mais c'est doux, joliment. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, joliment. T'es qu'une fleur des passe-temps qui se fout de l'air et dit-on. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joliment. T'es qu'un point sur les îles du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joliment. Faut que ça rime ou que ça pleut, joliment. T'as qu'une source au millier qu'éclabousse du bon Dieu, joliment. T'as qu'une porte en voile blanc qu'elle en pousse en chantant, joliment. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve avec une heure. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joliment. Qu'on est feuille monotone, t'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joliment. T'es tout nu, c'est ton pull, y'a la rue. Joliment, que joliment, aïe joliment, mira que joliment, limon, limon, que joliment, limon, que joliment, que mira que joliment, que mira que lo que joliment, que joliment, que joliment. Victoria Abril avec la pièce Joli Monde, précédée de C'est mon gigolo et de Elsa. C'est les trois premières pièces de son album qui s'appelle Oh là là. Son large sourire et sa joie de vivre ont éclairé nos grands écrans pendant 30 ans, dit le document de presse. Avec Pucheros do Brasil en 2005, un album dédié à la bossa nova, elle s'est affirmée comme chanteuse sur disque et sur scène. Victoria Abril poursuit cette carrière avec un album qui illustre bien sa personnalité flamboyante. Cette fois, les grandes chansons d'amour françaises se font andalouses. Tandalouses même, tandalouses. L'Espagne offre ses racines, ses guitares, son tempo, ses voix. La France prête ses textes et ses musiques. Et Victoria Abril les réunit dans un même souffle et un même album qui crée la surprise jusque dans son titre. Oh là là là! Oui, bon. Elle a fait plus de 150 dates avec Pucheros do Brasil. Le public a adoré. ce bonheur, elle nous fera partager au Francophonie de Montréal le 29 juillet prochain. Car sur disque comme sur scène, Victoria Abril veut surprendre et faire que toutes les lèvres finissent par dire « Oh là là ». Victoria Abril, son album, encore une fois, c'est « Oh là là ». Et si vous voulez aller voir son site internet, c'est assez simple. victoria-abril.com. Maintenant, on retourne à l'anglophone. On a écouté un album, un maxi de seulement quelques pièces de la formation de Midway State il y a de cela quelques semaines. Et les voilà avec leur album complet qui s'appelle Holes. Tout de suite, voici la pièce Never Again. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois, tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou ça! Has

understands you, boy. Oh, nobody understands. Oh, yeah. You're awake and you're on fire, burning up with how you feel. Yeah. The Midway State avec Nobody Understands, titre un petit peu emo à mon goût. Juste avant, c'était Change For You et puis Never Again au départ. L'album s'appelle Holes, la formation de Midway State, myspace.com, / de Midway State. Ils vont être en spectacle le 24 juillet à 20h avec les Saints. Ça, c'est à Montréal. Leur album sort le 22 juin et puis aux États-Unis et en Europe un petit peu plus tard cet automne. Donc International pour The Midway State, un groupe de Toronto en Ontario. Ils ont un vrai site web aussi de midwaystate.com. Les membres sont Nathan, Danon, Michael et puis Mike. Donc, Mike et Mike. Ça va être évident, ça. Mike et Mike. Donc, allez-y, allez vous renseigner sur The Midway State pendant que nous, on continue du côté francophone avec une pièce du nouvel album d'Armand Méliès qui s'appelle Casino. La pièce-titre s'appelle, elle aussi, Casino. C'est dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou, ça! À genoux, comme toujours, vie reliée ou périr ensemble et se mêler, mais ensemble, surtout jouer la montre, éviter les sermons tout compte. s'effondre. Porter le masque chaque seconde. Tout compte à distance, mais tout compte. Qui connaît l'enjeu? Qui connaît? Un festin que l'on croyait trop. un mensonge. Oui, je sais que tu mens. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes. Oublions tout nous-mêmes. Ce que nous sommes vraiment. Un peu de beauté. Plastique. Armand Méliès avec la pièce Amoureux solitaire, précédé de En nous la vie et de Casino. Casino qui est la pièce titre de son nouvel album. Il vient d'Île-de-France en France du folk indie pop. L'album est disponible depuis fin avril 2008. Allez voir myspace.com/Armand Méliès. Armand, ça ne prend pas de dés. Ou encore sur site officiel, passez par lunechance.com pour tous les liens. Il va être en spectacle les 26 et 27 juillet au Francophonie de Montréal et puis va être le 9 août. De retour en France, donc petit voyage d'avion pour Armand Méliès. Son album s'appelle Casino. On continue avec de l'anglophone pour terminer cette première heure. La formation de Joel s'est allée chercher dans son dictionnaire de français approximatif et a choisi l'album Haute Voltage. C'est un très bon nom d'album. Voici Hey, Alright, dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Découvrons toutes ces nouveautés ensemble. Pourquoi pas?

le poste d'écoute. Jolts avec DXM, précédé de An Electric Testimonial et de Hey Alright, les trois premières pièces de leur nouvel album Haute Voltage. Ici dans le poste d'écoute de Jolts, qui va être en spectacle d'ailleurs ce soir, si vous écoutez en direct le 11 juillet, vendredi à 20h au Petit Campus à Montréal. Demain, le 12, ils vont être au Catacombe à 20h. Ça, c'est aussi à Montréal. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/TheJolts. Là-dessus, vous allez apprendre que les membres du groupe sont Joey Blitzkrieg, Dr. Dylan Danger, Lecter Currents et Matt Von Dander. The Jolts, c'est du punk rock de garage. Ils viennent de Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, myspace.com/TheJolts. Et leur album est Haute Voltage. On retourne aux francophones pour aller entendre la formation Deux Pouilles en Cavale. J'en entends pas mal parler, assez fou, de la part, par Kiwan, qui anime la dernière porte à gauche et respecte les dauphins ici sur nos ondes et qui co-anime les palmarès avec moi. Il m'a parlé souvent de Deux Pouilles en Cavale. On a d'ailleurs fait jouer certaines de leurs pièces à l'émission. On les entend tout de suite avec Longue Route dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, au 89.1 FM, dans vos oreilles. poste d'écoute. Dépouille en cavale à l'antenne du Poste d'écoute, une émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante, toujours très intéressant d'être avec vous. Ah, voilà, j'ai trouvé la feuille que je cherchais. Dépouille en cavale qu'on vient d'entendre avec les seules et uniques quatre pièces de leur maxi. Donc, on a commencé avec Longue Route, ensuite Fâché Noir, La Cloque, et puis ça, c'était Ciao Bye Boss qui vient tout juste de jouer. myspace.com/Dépouille en cavale, 2 en chiffres. Ils sont en spectacle aujourd'hui, le 11 juillet, au Velvet, à 22h, c'est à Québec. Ensuite, demain, ils vont être à 21h au pub Lévisien de Lévis. Et le 20 juillet, à 17h, au concours du Message. Ça, c'est à Anse-Saint-Jean. Ils viennent de Rang-la-Montagne, Montréal et Québec. Au Québec, je crois que c'est au Québec. C'est du psychédélique tropical concrete, j'imagine que ça veut dire ciment. Bizarre quand même. Nico Lombardo, qui est Pouille à cordes et à voix. Rousseau, Landreville, Pouille à peau, à voix et autres bébelles. C'est ce qu'ils disent sur leur MySpace, au myspace.com/2pouilles en cavale. Voici le texte qu'ils nous ont envoyé. Genre de l'alternatif, bonjour. En cette luxuriante et lumineuse saison, nous avons tous des pulsions d'évasion, voire de fuite. Eh bien, en voici deux qui ont pris la poudre d'escampette et qui, depuis, cavalent. À l'origine, ils étaient trois. Installés au nord du lac Saint-Jean, ils se sont imprégnés du hangar qui fut leur berceau et de ses émanations de moteurs deux temps pour expérimenter le rock. Plus tard, nichés dans un véritable garage, ils ont apprivoisé les cordes et les pots. Ils ont cheminé ainsi jusqu'à fouler les planches pour précéder les Malajube, Pépé et sa guitare, Bob Log, Carquois. Dans cet océan sonore, ils nagent et dans l'action perdent tragiquement un membre. C'est alors qu'ils se mettent à cavaler. Ils migrent vers le sud et se lancent dans une rivière musicale aux arômes d'agrumes. Encore aujourd'hui, ils sont difficiles à localiser. Vous tenez entre vos mains leur production apéritive. Le plat principal sera servi à l'automne 2008. Voilà, donc pour deux pouilles en cavale. Moi, j'ai bien aimé. Son très, très garage, très low-fi. C'était bien bon, donc deux pouilles en cavale. On continue l'émission, le poste d'écoute de cette semaine, l'émission où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble avec Mando Kane. Il nous a envoyé l'album Music Inspired By, et là, étrangement, toutes les pièces ont des noms en français, mais c'est classé dans l'anglophone, donc est-ce que ça va être instrumental? Est-ce que ça va être chanté en anglais sur des titres en français? On ne sait pas. On commence avec la pièce Mando Kane, ou je vais dire en français, Mando Kane, thème numéro 1, ouverture, suivi de Les Ruches à Homoncule dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Thank you. le poste d'écoute. Mandocaine avec Prisonnier de la Surface, précédé de Les Ruches à Homoncule et de Mandocaine, thème numéro 1, ouverture dans le poste d'écoute. Donc, c'était vraiment instrumental. Donc, très bien de l'avoir cassé dans anglophone, vu qu'on n'a pas de section instrumentale assez fou. Il y a un très très long texte descriptif de Mandocaine dans leur CD, une histoire sur les homoncules, des hommes bouteilles et des ruches à homoncules. Ça a l'air assez intéressant. Donc, c'est du synth rock improvisationaliste. Voilà. C'est comme Palo Alto qui rencontre le pionnier du toy pop Klimperei dans un... C'est assez compliqué comme thème, mais c'est sur la même étiquette Acid Sox Music qu'un groupe qu'on avait entendu un petit peu plus tôt à l'émission. On avait entendu ça. Ça s'appelait comment déjà? Little Bang Theory. Bien ça. Ouais, exactement. Donc, autant pas d'informations sur eux, c'est assez spécial comme façon de faire pour une étiquette de disque, mais que voulez-vous? Donc, Mandocaine, Music Inspired By, c'est le nom de leur album. Et puis, pas de MySpace, pas de rien que j'ai trouvé, en tout cas. S'il y en a un, ils l'ont bien caché. On continue avec du francophone ici dans le poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Vous voyez comment on fait les choses, on sait pas trop où on s'en va, on a une pile de CD et puis on essaie de trouver des informations. Donc c'est comme une grande pizza musicale, il faut s'ouvrir grand les oreilles et assimiler ça. Allez voir le www.unechance.com parce que pendant l'émission en direct, je liste tout ce qu'on a joué et je mets les liens vers les sites web. Donc si vous voulez suivre avec nous, c'est une très bonne façon de le faire. www.unechance.com. On continue donc en francophone avec Tina Arena. Son album s'appelle Cette vie. Et tout de suite, voici Aimer jusqu'à l'impossible dans le poste d'écoute. Au 89. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours et puis s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'aurais tout sombré sous la colère comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. C'est possible. J'ai tous mes châteaux en Espagne, ce que j'ai bâti. Disparaître sous les flammes de la jalousie. C'est une douleur sans effet. jusqu'à l'impossible de jouer la tune au complet. Tu veux dire ça que tu veux dire, hein? Ouais. Voici du rap avec James Dino. Une meuf qui me regarde, je m'approchais, je lui dis quoi? Elle me dit vas-y dégage, bon ok, là je lui mets une baffe. Là-dessus la meuf me saute dessus, puis elle m'embrasse, j'ai même pas dû demander pour qu'elle me suce, c'est dans la caisse. Sa copine arrive, elle dit qu'est-ce que vous faites? L'autre répond cash, vas-y fous-toi à poil, on fait la fête, y'a pas d'arnaque. Sur ce que je suis énorme, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, je dis tu sais 30 cm c'est pas tant que ça. Bref, les épées toutes les deux, puis je les ai fait jouir comme d'hab. Pas enfin se cramponner au cuir de ma Grégoire, mais soit. On est rentré dans la boîte, là les chattes m'ont dit putain Dino, t'es trop un dieu, j'ai dit fuck off, là chez moi c'est bon. Elles m'ont dit qu'est-ce que tu bois? J'ai dit un whisky coca, me cassez pas les couilles, on boit un coup, puis cassez-vous, je suis pas un cool. Bon c'est vrai que je couille comme un ouf, ok ça vous les fout, mais j'ai pas que ça à foutre, pas que de fourrer des fous. Un top rouge, j'y dis tu sais que t'es bonne toi, elle me dit bouge, je lui dis cool, vas-y danse quoi, casse pas les couilles, pourquoi tu penses que je te veux du mal et comme ça me dit casse-toi tes lourds, si dans 5 secondes t'es pas parti, j'ai fait le mon cul, mais les boxeurs il va te péter ta gueule, puis j'ai dit espèce de colle, bah tu sais pas qui je suis moi, le gars qui n'a pas que ça à foutre et que te fourrer les fous. Oh, tu te calmes mon te colle, je dis vas-y que ta mère toi, le nez fracassé en deux, le sang qui coule, c'est parti en couille. Pour du coup, le type s'excuse et tout. Il m'a dit, couze, qu'est-ce que tu bois? C'est pour moi, une biera, une vodka Red Bull ou un Jimmy Coca? J'ai dit, les trois, qu'est-ce que tu crois? Tu ne sais pas que je suis le roi ou quoi? Mais enfin, pourquoi tu me respectes pas de surcroît? Oh, c'est beau. Au retour, plus de James Dino et on découvre Flo Butz dans le poste d'écoute au 89 FM. Mais faut être sensé, quand ils bougent sur la piste, ils sont trop coincés. Hors tempo, raides, ils sont comme des robots. Mais j'insiste, le bal est dans le fion, c'est pratique. Bah si, pour faire les poussières sur la piste, on fait le ménage. C'est le feu, c'est le feu. Check, check, James Dino rentre dans le jeu. Au bar, c'est la danse suivante. Aussi bizarre que cela puisse paraître, mais pas celle du Maghreb en Algérie. Celle qu'on danse dans les pistes, roi Paris. Ma petite sœur Doloris Colorie m'a fait gollerie avec ses conneries d'euphorie pour les corps et de l'ori. Quand y'a du bon son, faut se lancer, même si les blancs ne savent pas tous danser. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. Tout le monde, la vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Mon père était clownesque.

James Dino. Tu sais que pour du rap, c'était pas mauvais, ça. Moi, j'ai bien aimé James Dino. L'album s'appelle Le Fils du Commissaire. Ça date de 2007 en France. Ça vient d'arriver au Québec et assez fou. Ça, c'est la pièce Arrête de fuir. Juste avant, c'était Les Blancs ne savent pas danser. On a commencé avec Elle Playboy dans le poste d'écoute. Donc, James Dino au jamesdino.com ou myspace.com/JamesDino. Il va être en spectacle au Francophonie de Montréal le 30 juillet à 20h. Donc, soyez-y. Si vous aimez ce genre de musique, moi, j'ai bien apprécié. James Dino, le fils du commissaire. On retourne à de l'anglophone, mais on continue dans le thème du rap, parce que c'est tant qu'à être là, on continue là-dedans. Flowbots avec Fight With Tools, ça c'est le nom de l'album, et voici tout de suite There's a War Going On For Your Mind au 89.1 FM, www.sf.ca si vous devez quitter votre voiture et entrer dans votre maison, au bureau, tap tap tap, www.cfou.ca, enter, /.com, yeah. There is a war going on for your mind. What? Media mavens mount surgical strikes from trapper keeper collages and online magazine racks. Cover girl cutouts throw up pop-up ads infecting victims with silicone shrapnel. Worldwide passenger pistons deployed paratroopers. Now it's raining pornography. Lovers take shelter. Post-production debutantes pursue you in NASCAR chariots. They construct ransom letters from biblical passages and bleed mascara into the holy water supplies. There is a war going on for your mind. Industry insiders slang test tube babies to corporate crackheads. They flash logos and blast ghettos. Their embroidered neckties say, stop snitching. Conscious rappers and whistleblowers get stitches made of acupuncture needles and marionette strings. There is a war going on for your mind. Professional wrestlers and vice presidents want you to believe them. The desert sky is their blue screen. They superimpose explosions. They shout at you. Pay no attention to the men behind the barbed curtain, nor the craters beneath the draped flags. Those hoods are there for your protection, and the meteors these days are the size of corpses. There is a war going on for your mind. We are the insurgents. Born in the flood, bloody finger paint sets, black marketed freshwater cannons, forget me not, epitaph, airbrush with death. White tees, white beaters, button up, reattach flesh. In between the lines, outside of the law, outside of the law, under the veil, underneath the veil, our foundation, we navigate the globe, to find a pattern to break the mold, to break with the mold, family to feed, know where we won't go, where we won't go. Man screams that he's seen a monster. There's blood stains on his shirt. They say that he's gone berserk. Sometimes when I wanna shut out this world, wanna rip up this page, wanna pour out this heart, wanna get up on this stage, and my lips become percussion, and my fists become the rage, and I pound on this table till it gives me something to say. Then I think about things that I've seen right in front of me that I don't wanna believe. Give me one of these mics, let me let them know the way that it is not how it's gonna be. Not that we don't let them get ahead of us, the present tensions, no threat, it's just a fence across the path that we're already ready to walk. Rock solid footsteps, let them put up obstacles and prove that it isn't possible. Fuck that, we don't give them any weight. True liberty, your freedom's at stake. Peace will never become passé. Live my life until my last day. It was 8:30 in the back cave when the cracks in the plaster collapsed and gave way to gaps in the pavement. Put it on blast for the passengers, the messengers, the business. Where the fuck are the rescue workers? Not far, I'm pissing on a cop car. In the hall with a pop tart, sipping liquor in the rock bar. Everyone climbed to the front line, lunchtime canceled. All hands on deck to pull survivors from the landfill. Onlookers, passersby, brush off your shoulders. Shake off that rubble, break free from your standstill. Signs of a better world. Causes we understand, failures we expected to occur and bring redemption for our sins. Safety from the crowds, in the shadows on the run. Rewrite our own cider house, rules to keep alive. To keep rituals alive, to prove that search for systems we can trust. Rhythms we can lock into. This is madness, salvage team can't bandage. Hope is damaged to broken compassion. There's not enough rope in the band when the world is collapsing. Our mode of action, broadcast the glass. All we can manage, donate with the plastic scraps from the silence. Hoping to battle. balance, emotions of validated stage on 4-3 aspect. Just ballast for sadness lines, shattered a standard fan for cameras and channels. Stand no abracadabras, no faster answers or mantras for disaster. Remastered or plastered, we got it all backwards. Do you know the facts in your back? It's another man down, another mother gone. Child drowned, another silent song. Solitude, another kind of strong. I miss you, another strong along. Missing in action, another page is black and burned, turned ashes to ashes. Dust off the flags and the caskets. We'll never find another you, despite the life of love we knew. These lives get out of trouble, we can count the strikes that punish you. The wrong we thought could never break, and never will, and never change, and never fade. But there's the rage of losing you to their mistakes. In between the lines, the next moves from the crowd. Outside of the law, causes we understand. And trace instructions for descendants in the shadows on the run underneath the veil. We expected to occur and bring redemption for ourselves. In between the lines. In between the lines. Revolution between Jesus and Huey P. Newton. That's where you find Johnny Five shooting water guns at the audience while you're scooting. Your gluteus max due to the fact that he's tooting on the horn. Gonna warn you that I'm rooting for the other team in the culture war. So I stab the beast belly as the vulture snores. Yo, yo, let it blow with convulsive force till walls fall off their false supports. Till Jericho's aircraft carriers alter course and all brave young Americans are called ashore. Cause we've already lost the war. They keep waging, splatter in the streets and battles that keep raging, bloody in each page in the story that we're studying. Each day the same, just the names keep changing. Saying the same things over again, repeating the same slogans we don't know where we've been. We've been all over the globe on our government funds, leaving man, woman, and child dead, bloody and numb. Saying the same things over again, repeating the same slogans we don't know where we've been. We've been overthrowing leaders with legitimate views, democratically elected, but we didn't approve. How many times can the line divide? How many wars to uphold your pride? These fears uncontrolled just swirl the tide of blood in the streets while the people die. I'ma keep on trying, long as suffering is multiplying. And why not? These souls getting tossed and left out. I rob my back's broad enough to help lift your cross. As long as you help with mine, the process of healing will take some time. To see the pain in your face is the same as mine. It's not a game or a race, but the stakes is high. We maintain our mistakes for the sake of sight. As long as it takes, I say it one more time. As long as it takes, I say it one more time. As long as it takes, I say it one more time. Saying the same things over again, repeating the same slogans, we don't know where we've been. We've been all over the globe on our government funds, leaving man, woman, and child dead, bloody and numb. Saying the same things over again, repeating the same slogans, we don't know where we've been. We've been overthrowing leaders with legitimate views, democratically elected, but we didn't approve. Same thing. US is not us. Same thing. And us is not we. Same thing. And we are not satisfied. Same thing. We're tired of the same thing. Same thing. And we're ready to make change. Same thing. Are we ready to make change? We want money for healthcare and public welfare. Free Mumia and Leonard Peltier. Human needs, not corporate greed. Drop the debt and legalize weed. We say yes to grassroots organization. No to neoliberal globalization. Bring the troops back to the USA and shut down Guantanamo Bay. Who let him overthrow Jacobo Arbenz? Who let him overthrow Mohammed Mossadegh? Who let him assassinate Salvador Allende? I didn't let him, but they did it anyway. Who let him overthrow Kwame Nkrumah? Who let him overthrow Aristide? Who let him assassinate Oscar Romero? I didn't let him, but they did it indeed. But don't let them assassinate Hugo Chavez. Don't let them assassinate Evo Morales. And bring back Martin, Malcolm, Medgar, Hampton, Jordan, the same things over again. Flo avec l'album Fight With Tools. On vient d'entendre la pièce Same Thing précédée de Mayday et de There's a War Going On For Your Mind. Très très bon Flo Bots, encore une fois pour du rap, ça m'impressionne. Donc Fight With Tools est le nom de l'album. Vous pouvez aller voir le myspace.com/flowbots pour apprendre que c'est un groupe de hip-hop progressif classique de Denver au Colorado, là où l'eau bouille plus vite. Elle vient de Denver donc au Colorado, c'est pas mal ce que ça veut dire. Johnny 5 au MC et la voix, Rare Rabbit, Andy Guerrero, Mackenzie Roberts, Jesse Walker et Kenny Ortiz. Site web flowbots.com, oui, c'est bien ça. Et là, je cherche des dates de spectacle au Québec. Oui, ils vont être à Montréal au studio JPR le 12 août à 20h. Donc, soyez-y. Encore une fois, l'album s'appelle Fight With Tools et les liens sont sur lunechance.com si jamais vous ratez quelque chose. On retourne aux francophones pour aller entendre le nouvel album Cette Nuit-là de Marthe Scholl. Marthe Scholl, S-K-U-L-L. myspace.com/Marthe Scholl acoustique. Voici la pièce Lune Noire dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. C'est comme un listening party, qu'on dit dans le domaine. Listening party. C'est un party, tu mets de la musique, t'écoutes. C'est une traduction littérale, ça c'est... au 89 FM, dans vos heures. ça ne va pas. Je suis là pour sécher tes larmes, celles que j'ai causées sur toi. Je suis là, même à des années-lumière de toi. Je suis là, même à travers toi. Car si tu ne serais pas là, moi, je serai là. Toi qui n'es plus là pour moi. Toi qui la flamme un jour s'éteindra. Pour toi qui suis tes larmes et qui prend tout comme une arme. Dis-toi seulement que je suis là. Je suis là, seul devant toi, à me demander ce que je fais là, couché à côté de toi, car cette nuit je ne serai plus là. Mart Skull et sa musique acoustique d'un certain genre. L'album s'appelle Cette nuit-là. Ça, c'est la pièce Je suis là, précédée de Lune noire. Je m'excuse, mais ça fait pas l'unanimité. Je vais devoir l'arrêter. Triste, hein? Ouais. On continue en musique avec un album canadien. Voici Corey Woodward avec Revolve dans le poste d'écoute au 89.fm où on découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois et on sait vraiment pas ce qui s'en vient. On n'écoute pas les CD d'avance. Ce serait beaucoup trop long. Ouais. 819-376-5183 si vous voulez nous appeler en studio et faire la même chose qu'un auditeur vient de faire pour me dire « Arrête de jouer ça, c'est trop mauvais. Ouais. » On veut pas être méchant. Ouais. As early as morning, I don't get out my bed and I stay in my bed. Thoughts inside my head, they're like rusty gears. Keep on spinning round. There's all these people I keep trying to avoid, the sour faces. They get me so annoying, got me frowning. Even when I crack a smile, there's people everywhere, but we still be alone. Get out tense anytime I say hello. Look extraordinary, life can get tough. Days will disappear into another. Yeah, it's been a rough start. Up like sheep to devour you. Play on you when you weep. I sit at the bar, going missing to spare. No one's human anymore, and no one seems to care. Life becomes surreal, like pictures on the screen. Extraordinary, I can get up. Restez là après la pause, d'autres pièces de Corey Woodward et on découvre l'album de Elliot Brad, Mountain Meadows, dans le poste d'écoute au 89.fm. no one got old or died. Nobody died. An uncle passing and a grandfather too. It made me realize there's nothing we can do about life. Just don't waste your time. We all know it's slipping away. We all know time is slipping away for good. I'm wasting time when I'm standing in line, or I'm waiting for a doctor to tell me I'm fine and why. We're all scared to die. Undecided about what would be worse, being caught on a freeway or pushing up dirt. Oh boy, you might ask why. We all know it's slipping away. We all know time is slipping away. It's slipping away. We all know time is slipping away. It is, and when there's so many other lives to save, we get unhappy and everyone hurts. And when life gets hectic, we're turning into jerks. Oh boy, what's going on here? We all know it's slipping away. We all know time is slipping away. We all know it's slipping away. We all know time is slipping away. Slipping away. Avec la pièce Slipping Away, précédée de Remedy Girl. Et on a commencé avec Revolve, ça vient de son nouvel album Princess of the Skies, ici dans le poste d'écoute au 89.fm. Donc, Corey Woodward, vraiment très bon ça. Encore une fois, beaucoup de choses très bonnes dans cette émission. Ça va être difficile de couronner un poste d'or à la fin. Donc, Corey Woodward, en passant avant de l'oublier, va être en spectacle le 8 août à un endroit encore à déterminer de Montréal à 20h. Tenez-vous au courant sur le myspace.com/cdubs101. 101, CDUBS 101. C'est la seule adresse que je vois. Corey Woodward, Matthew Rogers, Dallas Woodward, Wheezy Brown et Gord Roberts sont les membres de ce band de Electro Folk Rock de Vancouver en Colombie-Britannique. L'album sort le 15 juillet partout au pays. Princess of the Skies de Corey Woodward. On continue dans l'anglophone canadien avec Elliot Broad avec son album Mountain Meadows. Et tout de suite, voici Fingers and Tongues dans le poste d'écoute. Et je vous rappelle d'aller voir le www.unechance.com pour tous les liens vers tous les artistes que vous entendez aujourd'hui et www.cfou.ca pour écouter en direct sur le internet. We'll be right back. you said. Still you can love when you can. Les trois premières pièces du nouvel album de Elliot Broad. Ça, c'était Write It All Down For You, précédé de T-Bell et de Fingers and Tongues pour débuter le bloc. Elliot Broad, c'est un band de folk music, rock acoustique soul de Toronto en Ontario. D'ailleurs, ils sont en tournée canadienne en ce moment. Ils sont en Colombie-Britannique aujourd'hui, demain et après-demain. Ensuite, ils s'en vont au territoire du Nord-Ouest et en Ontario, etc. Allez voir le myspace.com/Elliot Broad. Ou encore le elliotbroad.ca. Les liens sont sur le site de l'émission ou unechance.com pour ceux qui ne savent pas comment écrire Elliot Broad. Les membres sont Casey Laforêt à la guitare, voix et bass pedals, Stephen Pitkin aux valises, percussions et voix, Mark Sasso à la guitare, banjo, ukulélé et lead vocals. Voilà. Donc pour Elliot Broad, leur album s'appelle Mountain Meadows. On passe du canadien à l'anglophone alternatif, la formation Pudding Attack. Et là, dès que j'ai vu l'album, je me disais, il faut que j'en joue aujourd'hui, parce que bon, disons qu'on va avoir passé seulement la moitié de ce qu'on avait comme nouveauté cette semaine. Il y a tellement de nouveautés assez fous, ça n'a même pas de bon sens. Pudding Attack, donc leur album s'appelle Miniskirt Cash Machine. Et voici Dada Street dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble. Quelle belle fête au 89.1 FM. C'est fou, ça, dans vos oreilles.

shocks. Would you let me in your box? I like the way you shake when you're on my snake. Pudding Attack avec la pièce Box précédée de Model et de Dada Street. Ça vient de leur nouvel album Miniskirt Cash Machine. C'était vraiment bon, Pudding Attack. C'est du psychédélique jazz électro de Oklahoma City en Oklahoma aux États-Unis. PuddingAttack.com ou encore MySpace.com/PuddingAttack. Les membres sont Chris à la voix et aux électroniques, Rob à la basse et au clavier et Funky à la batterie. C'est toutes les informations qu'ils ont sur leur MySpace en ce moment. Donc, Pudding Attack, l'album Miniskirt Cash Machine. On continue dans la même veine d'alternatifs anglophones avec le nouvel album de la formation The Music. L'album s'appelle Strength in Numbers. Et tout de suite, voici la pièce-titre Strength in Numbers. Vous synchronisez le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Assez fou, 89.1 FM. My C'est fou dans vos oreilles. Les trois premières pièces du nouvel album de la formation The Music, ça c'était Drugs, précédé de The Spike et de Strength in Numbers. Leur nouvel album s'appelle aussi Strength in Numbers. C'est un groupe du Royaume-Uni avec Rob, Adam, Stu et Phil. Ils vont être en spectacle à Londres à la fin du mois de juillet, en fait à la mi-juillet, pour le iTunes Summer Festival, ce qui est vraiment bien. Donc, alternative indie rock pour The Music. Et encore une fois, leur album, c'est Strength in Numbers. Allez voir lunchance.com si vous avez besoin des liens. On va se quitter pour cette semaine avec le poste d'or que j'ai décidé. Et c'était Lil Bang Theory, leur album Elementary. Je trouve le son très intéressant. C'est du toy pop, donc de la musique qui sonne jouet pour enfants. Je trouve ça vraiment intéressant. On va entendre la pièce Garden Party. Mais moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve toujours les vendredis matin à 10h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h. Je vous retrouve aussi à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les mardis à 11h. Et dans les palmarès, c'est fou, tous les vendredis soirs à 17h. Ce qui nous suit le vendredi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. Donc, restez là pour ça. Et jusqu'à la semaine prochaine, de la part de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Bye bye.